Ça va la coca la night. Fait dans la boca malade. Ok, il faut de la maille. Mais faut pas mettre de banane. Ce soir le ciel est gris, y'a pas d'étoiles. Si tu touches le machin, n'oublie pas, nettoie-le. S'ils trouvent ton ADN, ils viennent chez toi là. Tu peux vite finir en tol. Y'a ceux qui ont pas de bol. Y'a ceux qui portent des guiboles. Sous face de bobo, je guidonne. Toi-même, tu sais, c'est Dieu qui donne. Que tu m'emboucanes, que tu fumes des gitanes. Et toi, tu fais passer 10 tonnes. Soit disant, t'as des guitares, skip, tu frappes comme Jackie Chan. Il fait le gros toute sa vie. Le jour où il se fait péter le poteau, c'est le premier qui chale. Big up à ceux qui chôment tout en rêvant d'échaler. Même si je fume du jaune, je conduis, je me fais pas chaler. L'OVNI au vélodrome, c'est pas grave, c'est pas cette année. Au début, j'avais rien, je me suis refait comme ça va Stan. En DP ou en stun, en féfé ou en stint. J'ai jamais fait le tank, là je suis de retour comme drink. Tu dis que t'es mon cousin, j't'ai jamais vu comme un gros truc. Les jaloux, moi de fuck, si j'avais su, j'aurais fini ta funk. La coupe sur le tank. J'fume allongé, j'me fais des boulettes sur le bec. Pas de pacte, pas de secte. Nana, pas de pacte, pas de secte. Ah ah ah. Tu mets la guigne à ta famille quand elle la sniff, quand tu devant la mort. Génération, ça tire dessus, ça roule à bloc, ça stank à la gorge. Dans une autre dimension, gros, j'ai plus d'émotion. Je suis sous attention. Faut faire attention au gros fils de quand tu prends ta potion. Ça va la coca la night. Flingue dans la boca malade. Ok, il faut de la maille. Mais faut pas mettre des bananes. Dans une autre dimension, gros, j'ai plus d'émotion. Je suis sous attention. Faut faire attention au gros fils de quand tu prends ta potion. Ça va la coca la night. Dans la boca malade. Ok, il faut de la maille. Mais faut pas mettre des bananes. J'ai vu la fin de manger. J'ai compris que donner sa confiance ça peut être danger. Par là y'a pas de congé. Tiraillé entre continuer ma vie ou à me venger. Dans la ville j'ai vu des rats. Quand je mange ça me dérange. J'suis passé ici et là. Croisé plein de choses étranges. C'est bon que tu rages. C'est ta vie qu'il faut que tu ranges. Tu peux mettre des barrages. Gros ta clou on t'arrange. Coucou là tu pars en couille. Arrête de sud de faire le bouille. Avec le rien on se débrouille. On en a tous dans la citrouille. T'as dit oui mais t'as la trouille. T'as 10 000 pour sa foufoune. T'as plus rien maintenant en douille. Ton shit en feu ta doudoune. LMZ je te fais pas la bise. C'est pas pour m'amuser. Si tu traînes avec des bizarres ou qu'avec moi t'as abusé. J'ai misé sur ce que j'ai visé. C'est plein de faux arroser mon cousin. Pas être bloqué sur le sel du voisin. J'suis complètement évasif. Le bonheur comme adhésif. Laser mis c'est corrosif. On lâche pas c'est intensif. J'suis dans le sang faut pas lâcher le sang. Pas se tailler les veines. Faire du sale, ramener des sommes, monter les levels. J'aurais pu mais j'ai pas fini calibré. Faire pleurer la mif et les faire vibrer. Tu mets la guigne à ta famille quand elle la sniff. Quand tu devant la mort. Génération, ça tire dessus, ça roule à bloc, ça stank à la gorge. Dans une autre dimension, gros, j'ai plus d'émotion. Je suis sous attention. Faut faire attention au gros fils de quand tu prends ta potion. Ça va la coca la night. Flingue dans la boca malade. Ok, il faut de la maille. Mais faut pas mettre des bananes. Dans une autre dimension, gros, j'ai plus d'émotion. Je suis sous attention. Faut faire attention au gros fils. Quand tu prends ta potion. Ça va la coca la night. Flingue dans la boca malade. Ok, il faut de la maille. Mais faut pas mettre des bananes.